Hugo, si Réunion Premier a fini ensemble, elle a fini pour la Colzac. Talian aura Claude Montané pour cette émission Les Experts de l'Automobile. Et puis un autre rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui à partir de 12h15. Moi, j'aime bien cause manger dans mon émission. Et puis Nena Philippe Daunier intéresse à Zaté Santé, la télémédecine pour dépister les diabétiques. Samedi, eh bien, aura lieu le premier dépistage décentralisé à Elbourg. Une opération axée sur la rétinopathie diabétique, une complication grave du diabète qui peut rendre aveugle. Est-ce que Zaté connaît ça? Alors aujourd'hui, Philippe fait une émission spéciale là-dessus. C'est dans l'actu à partir de 12h15 avec Philippe Daunier et ses invités pour joindre le standard et participer à cette émission. Le 02 62 99 2000, vos SMS le 70 2000 ou encore via Twitter. Il est 10h. L'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. L'incendie près de Marseille est désormais quasiment maîtrisé. La situation est sous contrôle également dans l'Aude. Mais ces deux feux ont détruit plus de 1000 hectares de végétation. Des tentes et des abris en carton remplacés par de vrais lits dans un hangar. La mairie de Paris prépare l'ouverture d'un camp de réfugiés. France Info a pu le visiter en exclusivité. Nicolas Sarkozy a déjà payé sa dette dans l'affaire Big Malion. Voilà la défense de son avocat. Mais cet argument ne tient pas, selon certains juristes. La France lance sa campagne de Russie. C'est le début des éliminatoires du prochain mondial. Les Bleus affrontent ce soir la Biélorussie. Et puis attention aux oreilles, le président philippin qui manie l'insulte comme personne s'en est pris cette fois à Barack Obama. France Info. La mairie de Paris va donc présenter aujourd'hui le camp de réfugiés qui ouvrira ses portes à la fin du mois. Et ce sera le premier camp humanitaire installé dans la capitale, financé par la ville et par l'État. Il respectera les normes des Nations Unies. Il est censé accueillir les migrants qui pour le moment vivent sur les trottoirs. En un peu plus d'un an, 26 campements de fortune ont été évacués à Paris. Ce futur camp se situera dans le nord de la capitale, près de la porte de la Chapelle. Gaëlle Joly a pu visiter les lieux en exclusivité pour France Info. C'est ici, dans ce vieux hangar vide, recouvert de tags, planté sur un terrain vague près du périph, que le nouveau camp doit prendre forme d'ici quelques semaines. Julien Beller, l'architecte, fait la visite. Là, ici, il faut imaginer donc des chambres en bois qui se finissent par un conteneur de toilettes et de douche. À côté, là, sur la gauche, il y aura ce qu'on appelle le pôle santé, donc il y aura une capacité d'accueil d'une quarantaine de personnes. Dans ces espaces, on va avoir le magasin kit d'hygiène et une petite partie buanderie qui permet de laver les habits. La halle pourra accueillir jusqu'à 800 personnes, mais la municipalité insiste. Les réfugiés ne pourront rester que 5 à 10 jours ici, pas plus, avant d'être pris en charge par l'État pour ceux qui souhaitent demander l'asile en France. Un camp de transit en quelque sorte. Dominique Versigny est l'adjointe chargée de la solidarité à la mairie de Paris. Je pense que quand même, ça fait beaucoup plus hurler les gens d'avoir des campements de rue improvisés. Et ça a été à l'origine de la détermination de la maire de Paris de créer un lieu d'accueil humanitaire, un camp de réfugiés à Paris. D'ici 2 ans, le terrain doit être rendu à son propriétaire et s'il le faut, le camp de réfugiés sera reconstruit ailleurs. La mairie de Paris espère susciter des vocations dans d'autres villes de France. Et ce camp sera réservé aux hommes. Une deuxième structure doit ouvrir à la fin de l'année, toujours à Paris. Ce sera dans le sud-est de la capitale et cette fois pour accueillir les femmes et les enfants. À Calais, les routiers et les agriculteurs ont levé le blocage de l'A16 hier soir, après 3 heures de négociations avec la préfète. Elle a donné son accord pour un énième renforcement des effectifs de police. À présent, cet incendie aux portes de Marseille. Le feu s'est déclaré hier près du parc national des Calanques. Des images impressionnantes. Les flammes étaient attisées par le Mistral. Mais le vent est tombé, ce qui facilite le travail des pompiers. Philippe Petit est lieutenant-colonel dans les Bouches-du-Rhône. Il est maîtrisé sur 90% de sa périphérie. Il y a quelques petits points chauds, mais qui seront traités dans la matinée avec les moyens aériens et les hélicoptères qui vont finir de traiter les petites lisières un petit peu difficilement accessibles. Il a parcouru environ 360 hectares. Et actuellement, il y a un gros travail de noyage et de traitement des lisières pour éviter toute reprise par rapport aux conditions météo de la journée. Il y a eu de la prévention qui a été faite sur Cassis, puisque la mairie avait déclenché son plan communal de sécurité. Quelques personnes ont souhaité quitter leur habitation, mais bon, sans conséquence, sans dommage, puisque le feu n'est jamais arrivé sur les portes de Cassis. Et dans l'Aude aussi, l'incendie est fixé, mais les pompiers restent vigilants car le vent continue de souffler. 850 hectares de bois et de vignes sont partis en fumée dans les corbières. Il est 8h04 sur France Info. Si Jérôme Cahuzac a ouvert un compte en Suisse, ça n'est pas pour s'enrichir. Non, c'était pour aider Michel Rocard, son mentor politique, pour financer de manière occulte ses activités. Mais sans le lui dire, l'intéressé n'était pas pas au courant. Voilà ce qu'a expliqué Jérôme Cahuzac hier à la reprise de son procès pour fraude fiscale et blanchiment. Et il assure que l'argent provenait exclusivement de son activité de chirurgien et d'une mission de conseil auprès d'un laboratoire pharmaceutique. Autre homme politique pris dans la tourmente judiciaire, Nicolas Sarkozy. Le parquet de Paris réclame un procès pour l'ancien président dans le cadre de l'affaire Big Malion. Son avocat Thierry Herzog dénonce une manœuvre politique grossière et il estime que son client ne peut être poursuivi par la justice pénale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a déjà été épinglé par le Conseil constitutionnel. Mais cet argument tient difficilement. Explication de Stéphane Père. Dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy était poursuivi pour un seul chef, celui du dépassement du plafond légal des dépenses électorales de campagne. Et pour cela, rappelle Thierry Herzog, son avocat, il a payé sa dette. Il a déjà été condamné par le Conseil constitutionnel en juillet 2013, les sages qui avaient invalidé les comptes du candidat Sarkozy et lui avaient même fait payer une amende de 360 000 euros. Dans ce pays, on ne juge pas deux fois le même homme pour les mêmes faits, rappelle l'avocat de Nicolas Sarkozy. Si l'argument semble tomber sous le sens, plusieurs spécialistes du droit, interrogés par France Info, doutent de ce point. La décision du Conseil constitutionnel est déjà intervenue avant la révélation du scandale Big Malion. Le Conseil constitutionnel ne disposait pas des vrais chiffres de la fraude, près de 23 millions d'euros. Enfin, la justice pénale peut passer après une décision du Conseil constitutionnel, comme cela a été le cas dans l'affaire Wildenstein ou l'affaire Cahuzac. Journée de grève et une manifestation chez SFR. La CGT dénonce les 5000 suppressions de postes prévues par la direction. Airbus va vendre 40 avions à plusieurs compagnies vietnamiennes. Un contrat à 6 milliards d'euros d'après le prix catalogue. Cette annonce intervient alors que François Hollande vient à peine d'arriver au Vietnam. Quand le président philippin s'exprime, généralement il ne mâche pas ses mots. Il est connu pour son langage grossier, mais il n'était jamais allé jusqu'à insulter un président. C'est désormais chose faite et c'est Barack Obama qui en a fait les frais. Frédéric Carbone. Le président philippin ne supporte pas les appels américains au respect des droits de l'homme. Si son pays exécute sans procès des milliers de trafiquants de drogue, Washington n'a rien à dire. Alors Rodrigo Duterte prévient Barack Obama avant que les deux hommes ne se retrouvent lors de ce sommet. I am a president of a sovereign state. Je suis président d'un pays indépendant. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus une colonie. Jusqu'ici, tout va presque bien, et puis tout dérape. Son of a bitch. Fils de pute, la voilà l'insulte lancée si Barack Obama ose évoquer le sujet. Et que tout le monde soit bien prévenu, ajoute le populiste Duterte, qui a l'habitude de ce genre de propos. Exercice diplomatique délicat pour le président américain qui tient au même moment une conférence de presse. Quand j'ai une rencontre prévue, je veux m'assurer que le rendez-vous va être productif. À l'évidence, cela ne pouvait plus être le cas. Tête à tête annulé, donc quelques heures plus tard, Barack Obama ne rajoutera pas l'humiliation d'une photo avec un homme qui l'insulte à l'affront d'une arrivée au G20 en Chine sans tapis rouge. Il imaginait sans doute une dernière tournée asiatique plus respectueuse. Washington, Frédéric Carbone, France Info. L'équipe de France de football, vice-championne d'Europe, a pour objectif maintenant le Mondial 2018. Oui, les qualifications débutent ce soir. Les Bleus rencontrent la Biélorussie sur son terrain à Borisov. Bonjour Franck Ballanger. Bonjour. Vous êtes sur place pour France Info et la Biélorussie, c'est un adversaire costaud. C'est vrai, les Biélorusses seront prêts physiquement, c'est certain. Les trois quarts de l'équipe évoluent soit en Biélorussie, soit en Russie. Le championnat russe a repris il y a plus d'un mois. Et le championnat biélorusse se termine en octobre. Les Bleus vont donc affronter des joueurs en pleine forme, alors qu'eux viennent tout juste de reprendre l'entraînement. Un garçon comme Olivier Giroud, par exemple, le buteur de l'équipe de France, n'a joué que quelques minutes en championnat avec son club d'Arsenal, plus 45 minutes avec la France jeudi dernier en Italie, et c'est tout. Et puis en plus d'être en bonne condition, les Biélorusses sont du genre costaud, des footballeurs qui aiment l'impact physique, le combat. Et on sait que ce n'est pas exactement le point fort de la défense française, notamment de Raphaël Varane, le capitaine des Bleus, réputé justement assez léger dès lors qu'il s'agit de jouer des coudes. Mais bon, il ne faudrait quand même pas noircir le tableau. Les Bleus sont vice-champions d'Europe alors que la Biélorussie reste sur une victoire, deux nuls et quatre défaites lors de ses derniers matchs à domicile. La victoire, c'était contre le Luxembourg, 2-0. La Biélorussie, donc, est une équipe respectable, mais certainement pas un obstacle insurmontable. Franck Ballanger, en direct de Borisov avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Et le coup d'envoi de ce match sera donné à 20h45. Mathilde Munoz, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à 8h30. Sophie Bria, les nuages sont bas. Et... Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo de ce mardi, au fur et à mesure que nous nous approchons de la zone côtière, de Saint-Denis à Sainte-Rose, en passant par Saint-André, le ciel est nuageux. En revanche, sur une large moitié sud-est, il fait bien meilleur. Dans l'après-midi, le temps sera gris dans les hauts. Il continuera de faire beau de Saint-Pierre à Saint-Leu, à La Possession et sur Saint-Denis. Les températures au plus chaud de la journée flirtent avec les 22 degrés sur la côte est, contre 24 et 25 degrés sur l'ouest. Aux alentours du volcan, le mercure atteint 16 à 17 degrés dans les cirques, 20 degrés. Donc par endroit, le pull est obligatoire, s'il vous plaît. 4 750 000 euros, c'est le montant de la tirelire aujourd'hui pour ce quintet dans la quatrième pour le prix Métropole du Grand Nancy. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Le 12, le 8, 14, 5, 2, l'As, le 3, le 15, 12, le 8, 14, 5, 2, As, 3, 15. Et puis hier, dans la première course, pour le prix de la ville de Craon, il fallait trouver le 14, le 10, l'As, le 9 et le 12, 14, 10, As, 9 et le 12. Claude Montanet sur Réunion Première. Notre équipe d'experts est là ce matin. Bienvenue à tous. Un seul numéro de téléphone pour réagir dans l'émission jusqu'à 11h30, le 02 62 99 2000. Les experts de l'auto, oui, de l'automobile, sont à nos côtés. Besoin de conseils avant de vous lancer dans un achat de voiture? Les pièges à éviter si cela concerne une voiture d'occasion? Qu'est-ce qu'on appelle un vice caché? Et puis, que doit-on savoir sur le contrôle technique? Que dit la réglementation concernant l'achat d'une voiture avec un particulier? Et puis, du transfert de la carte grise, on en parlera avec les experts ce matin. Patrice Fontaine, expert d'assuré, Alain Aznar, directeur qualité des centres de contrôle technique, et puis Jeff Warrow de la société automobilière 974-02-62-99-2000 pour toutes les questions sur la voiture. Si vous avez un petit projet en ce moment, donc pour acheter une voiture, allez, d'occasion, on est là pour vous renseigner, pour vous guider aussi, pour vous conseiller, et puis par SMS pour les questions au 06 92 70 2000. Voici Toulouse, c'est la première. Dans les clubs d'une soirée de qualité, où on donne le son là pour défoncer, et où connaît qui ça pour dégrainer. Les miss à soi, ils connaît roule la caisse, ça tu connais comment faut bouger la fesse, pour qu'à soi les gars ils cassent coller. Bad boy les bien, ça fait un gentleman, les connaît qu'elle là, les na ladies, les béquets sont si brillantes. La fin de soirée, va danser coller serré. Mais là, on a le son là pour défoncer. Et on connaît qui ça pour dégrainer. Assois où les guests copains, guests là, pas à tes cousins. Où les invités, mon frère, invités pour danser. Assois où les guests copines, guests là, pas à tes cousines. Où les invités, invités pour jumper. Ouais, c'est jumper, faut jumper, il faut jumper. Jumper, faut jumper, il faut jumper. Jumper, jumper, jumper. il faut jumper. Jumper, il faut jumper, il faut jumper. Jumper, jumper, jumper. Les experts de l'auto sur la première, jusqu'à 11h30, les questions concernant votre voiture, neuve ou d'occasion, des soucis peut-être avec le garagiste ou alors avec le concessionnaire. On est là aussi pour vous guider et pour vous aider. 02 62 99 2000. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20 et votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il est 10h15 sur la première. Nous accueillons nos experts de l'auto. Patrice Fontaine, expert d'assuré. Alain Aznar, directeur qualité des centres de contrôle technique. Et puis Jeff Warraud de la société automobilière 974. Messieurs les experts, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour les auditeurs. Des auditeurs qui rencontrent des difficultés avec leur voiture, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin surtout de vos conseils. Vous êtes des professionnels. En tout cas, merci d'avance pour eux. On va écouter Marie qui est avec nous au téléphone. Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on s'était parlé il y a un peu plus de trois semaines. C'était un lundi 15 août, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous pouvez nous rappeler le problème que vous aviez rencontré avec la voiture ? Ben, en fin de compte, le problème venait du boîtier de direction, en fin de compte. Le boîtier de direction. C'est ça ? Oui. Alors, c'était quoi encore le problème de boîtier de direction ? Bon, en fin de compte, au début, il y avait le problème de boîtier de direction. Le garagiste a dit de déposer chez lui, on a déposé. Non. Et après, on est parti récupérer la voiture. Et quand on est parti récupérer la voiture, il faisait le même bruit en fin de compte. Voilà, donc on est parti redéposer chez lui et après, il nous avait dit que c'était un défaut de fabrication. C'était un défaut de fabrication et nos experts, Patrice Fontaine, vous rappelez du cas de Marie ? Notamment qui avait appelé... C'était la voiture de votre maman, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, oui, de Saint-Joseph. Donc alors, du coup, ce n'était pas un défaut de fabrication ? Lui, il nous a dit ça, parce qu'il avait dit qu'il avait acheté une pièce neuve et il l'avait mis dessus. Ouais. Mais jusque-là, vous avez gardé les factures ? Oui, on a gardé les factures. Ce qui avait été fait, très bien. Et ça en est où ? Fin de semaine dernière, il nous a appelé, il nous a dit que la pièce venait lundi. Oui. Et il nous a dit de déposer mardi la voiture. Aujourd'hui, on est déposé la voiture. Là, maintenant, on ne sait pas si il va arranger bien ou soit il y aura toujours le même problème ou pas. Alors, vous permettez que je demande aux experts. Oui, Patrice Fontaine, donc la voiture, elle va rentrer au garage aujourd'hui pour réparer. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, Marie ? Il faudrait qu'elle fasse signer des documents ? Comment ça se passe ? Oui, parfaitement. Déjà, je m'interroge sur l'origine de la défaillance de cette pièce, en l'occurrence donc un boîtier de direction. Si le véhicule n'a pas subi de choc, je ne vois pas pourquoi ce boîtier doit faire l'objet d'un remplacement à ce jour. Oui. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Déjà, l'année... modèle du véhicule, kilométrage parcouru, le respect éventuel des différents entretiens. Entretien pourquoi ? Parce qu'on va me dire, oui, mais par rapport à un boîtier, de quel entretien s'agit-il ? C'est peut-être, si c'est une direction hydraulique, le remplacement fréquent donc de l'huile de direction. Après, il y a beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, un boîtier, on ne le remplace pas comme ça, ce n'est pas une pièce qualifiée d'usure. Oui. Donc, bien souvent, quand c'est un organe spécifique qui nécessite d'être remplacé, il faut quand même y aller avec délicatesse, analyser pourquoi aujourd'hui je suis confronté à cette situation. Et voilà, vu le prix qu'on est amené à me demander, est-ce que c'est justifié ou pas ? Et non pas foncer tête baissée, comme on le dit bien souvent, Peut-être que le garage a commis une erreur de diagnostic, ça se pourrait. Maintenant, pourquoi il met en avant le boîtier qui n'était pas conforme? Si c'est une pièce neuve, c'est très rare d'avoir une défaillance sur la pièce neuve qui arrive emballée. N'aurait-il pas privilégié une pièce dite de réemploi, donc pièce d'occasion? Et après, il s'est vu justement de la pertinence de la cliente derrière, en parallèle, qui dit oui, mais je m'interroge quand même. Donc là, il s'est dit, j'ai facturé peut-être une pièce neuve, il faudrait que je me méfie, donc je vais essayer de trouver quelque chose pour lui dire. Et là, je commande une pièce neuve d'origine. Voilà, il y a pas mal d'interrogations. D'accord. Il faudrait quand même se méfier. Après, pour répondre à la question de Claude, oui, moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de faire signer un ordre de réparation. C'est très important. C'est le document purement contractuel qui va vous lier avec le professionnel. Pourquoi ? C'est-à-dire, vous êtes cliente, vous demandez à ce qu'une intervention, une prestation soit réalisée. Donc, il faut quand même matérialiser cet échange, cette future intervention. Donc, d'où l'établissement d'un ordre de réparation. Marie ? Oui ? L'ordre de réparation. Donc, vous n'oubliez pas ce document qui est très important. C'est une voiture d'occasion ? Oui. Voiture d'occasion. Diafoiro, vous connaissez un petit peu le milieu, puisque vous êtes vous-même donc, commercial, hein, de vendeur de voitures d'occasion. Oui. Le cas de Marie, alors, c'est... vous en pensez quoi ? C'est pas vraiment, comment dire, il faudrait voir déjà avec le garagiste, je pense, par rapport à la pièce qu'il avait mis dessus. Voir si c'est une pièce neuve ou une pièce d'occasion. Par rapport à tout ça, peut-être demander la pièce qu'il a changée à la base pour voir l'état de la pièce, pour prendre une décision et surtout signer l'ordre de réparation, hein, qui est efficace dans ce genre de cas. L'ordre de réparation. Alain Aznar, directeur qualité des centres de contrôle technique. Votre sentiment sur le témoignage de Marie. Sur ce véhicule, je pense que déjà il faut s'assurer que la pièce qui a été montée n'est pas une pièce ou d'occasion ou adaptable, et bien une pièce d'origine. Donc en fonction de déjà la facture qui, je pense, a dû être réglée, voire la prochaine facture qui va être présentée pour la pièce. En termes de contrôle technique, le boîtier de direction, s'il est bruyant ou s'il est, il présente des points durs, c'est quelque chose qui est en contre-visite. Est-ce que ce véhicule était passé récemment au contrôle technique ? Marie ? Oui ? Votre voiture est passée, enfin la voiture de votre maman est passée au contrôle technique ? Ben, je suppose que oui, parce que elle a acheté une voiture. Elle avait acheté dans une maison, fin de compte. Ben, je pense qu'elle a dû passer tous les trucs au contrôle technique. Tout a été fait selon vous. Alors, allez-y tranquillement, déposez la voiture, puisque c'est le rendez-vous d'aujourd'hui, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, n'oubliez pas l'ordre de réparation. Oui. Et puis, alors, on vous a dit que ça va prendre combien de temps pour changer la pièce ou pas ? Ben, là, ce soir, je vais téléphoner. Parce que là, c'est depuis ce matin, j'ai déposé, c'était à 8h, 8h30. Ah, d'accord, c'est fait, oui. Et ben, ce soir au fin d'après-midi, vers 4h, je vais téléphoner, voir si elle est déjà réparée ou pas. Un petit conseil avant qu'elle aille récupérer la voiture, elle doit essayer. Patrice Fontaine, allez-y. N'hésitez pas à demander la restitution de la pièce qui a fait l'objet du remplacement. Très important. Oui. Hein, donc d'accord, vous récupérez la pièce. Vous restez propriétaire de la pièce échangée, donc le tout, il faut que ça soit stipulé sur ce fameux ordre de réparation, encore une fois. On est d'accord, Marie ? D'accord. Vous suivez ces conseils, et puis on se tient au courant comme d'habitude, d'accord ? Ok, pas de soucis. Voilà, merci Marie. De rien. Bonne journée à vous, à très bientôt sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alain Aznar, il y a aussi Jeff Warreau, Patrice Fontaine, les experts de l'auto sont avec nous. Alors, on a Jean-Marc de l'Ouest. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Votre question s'il vous plaît, ou alors votre situation, votre témoignage. Alors, c'est davantage une situation et un témoignage qu'une question, puisqu'en fait, je suis moi-même en procédure concernant mon véhicule qui a subi un avarie en fin d'année dernière. Moteur cassé, et alors que c'était un véhicule neuf qu'on avait acheté chez le concessionnaire, qui avait une durée de vie et un kilométrage très raisonnable. Non. Et on nous a appris, on a été devant le fait accompli que le moteur était hors d'usage. Voiture neuve, c'est ça ? Ah oui, voiture neuve. Moteur cassé. Alors elle avait quelques années, bien entendu, elle sortait pas directement d'accord. De quelques semaines. Non. Enfin, bon, à l'âge de, enfin, au niveau de vétusté que, du véhicule et à son kilométrage, il était impensable d'avoir un moteur cassé. Sinon, il faudrait que tous les constructeurs de voitures révisent de façon drastique leur cahier des charges au niveau des moteurs. Et ce qu'on a essayé de nous dire, d'ailleurs, de nous faire avaler, c'est-à-dire que ça pouvait arriver, c'était pas rare comme cas. Donc là, j'étais, bien entendu, on était dans un état très inquiet, étant donné que ce véhicule, on en a besoin pour nous déplacer, pour travailler. Et le concessionnaire nous a fait une offre commerciale de remplacement du moteur qui n'était pas satisfaisante, qui laissait des frais importants à notre charge, qu'on a refusé, et on s'est retrouvé devant une fin de non-recevoir, alors que nous avions toujours entretenu ce véhicule chez le concessionnaire. Il n'y avait pas d'ombrage pour nous d'avoir fait une erreur sur ce véhicule et sur ce moteur, en termes d'entretien ou en termes d'intervention. La voiture, en fait, elle a été achetée neuve, et au compteur, elle a combien de kilomètres ? Elle a aux environs de 70 000 kilomètres. 70 000 kilomètres, elle a quoi ? Elle a 4 ans, 5 ans ? Elle n'a pas 4 ans. Elle n'a pas 4 ans, moteur cassé. Écoutez, on vous a écouté, nos experts sont en train de plancher un petit peu sur votre situation. Vous restez avec nous, Jean-Marc, s'il vous plaît. Hein, d'accord, on va se retrouver dans 2-3 minutes sur la première. 02 62 99 2000. Patrice Fontaine donc est avec nous, Jeff Waro, Alain Aznar, ce sont les experts de l'auto sur la première jusqu'à 11h30. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna said too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying I'ma stay in touch. But that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cuffs. The sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Besoin de conseils avant de vous lancer dans un achat de voiture. Les pièges à éviter si cela concerne une voiture d'occasion. Qu'est-ce qu'on appelle un vice caché? Les experts répondent à toutes les questions ce matin au 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Patrice Fontaine, expert d'assuré, Alain Aznar, directeur qualité des centres de contrôle technique, et puis Jeff Waro, d'une société de voitures donc d'occasion. Ils sont avec nous. Et puis alors, messieurs, vous avez entendu le cas de Jean-Marc de l'Ouest. Patrice Fontaine, qu'est-ce que cela vous inspire? Voiture neuve, 60 000 km, achetée neuve, hein. Voilà, 60 000 km, elle n'a pas 4 ans, moteur cassé. Encore une fois, beaucoup d'interrogations. Voilà, mais à vrai dire, c'est ça qui fait le charme de mon métier. Pourquoi ? Ben c'est essayer d'apporter des réponses par rapport aux questions qu'on est amené à se poser au préalable. Donc là, je me mets toujours à la place de mes clients et essayer du moins d'apporter le maximum de réponses et surtout d'apporter des éléments de preuve qui feraient ressortir la vérité. Enfin, du moins, telle est ma devise. Oui. Le cas de cet auditeur n'est pas anodin, hein, bien au contraire. Ça mérite réflexion, ça mérite analyse pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est la question qui prime dans sa tête. Et surtout, qui doit payer? Si j'ai bien compris, le véhicule est régulièrement entretenu, donc il y a eu le respect des entretiens, chose que bien souvent les constructeurs automobiles exigent justement à ce que ça soit bien fait, pour justement prétendre peut-être à une prise en charge totale ou au pire partielle. À quel pourcentage? Là aussi est la question. Si un véhicule n'a que 4 ans et que 70 000 km, donc après je ne sais pas c'est quoi comme motorisation, essence ou diesel, oui, il y a pas mal de questions qui reviennent en boucle. Alors, que doit-il faire Alain Aznar, selon vous? Jean-Marc, vous êtes toujours là, hein? Jean-Marc? J'attends de vous expliquer la suite. Bien sûr, Alain Aznar. Donc, ce véhicule qui a été apparemment correctement entretenu chez le concessionnaire, je suppose qu'il y a eu expertise de ce véhicule. Et qu'en a déterminé l'expertise de ce véhicule? Qu'est-ce qu'on vous a dit lors de l'expertise? Jean-Marc? Oui. Lors de l'expertise. Alors, justement, j'allais aborder la suite. Quand on est confronté en tant que client lambda à ce type de situation, on est d'une part perdu, parce qu'on n'a pas forcément une formation en termes de mécanique automobile qui soit suffisante pour apprécier et appréhender une difficulté. Jean-Marc, on est en train de vous perdre au téléphone, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Essayez d'éviter de trop bouger, oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, alors je vous disais, donc, quand on est confronté à ce type de situation, la première réaction, c'est d'être perdu, parce qu'on n'a pas forcément, en tant que client lambda, une formation suffisante en mécanique automobile pour apprécier ou appréhender. Bien sûr, non, tout à fait. Donc, hormis quelques démarches envers le concessionnaire et puis envers diverses institutions ou organismes, on nous a très rapidement conseillé de nous mettre en relation avec un expert indépendant, chose que j'ai fait. D'accord. Alors, je suis en train de faire de la publicité exagérée pour Patrice Fontaine, c'est effectivement la personne vers qui on est allé, en nous signalant bien que c'était un expert indépendant qui n'avait aucune relation commerciale ou professionnelle avec tant les concessionnaires que les assurances, que d'autres collègues experts, enfin bref, qui travaillaient en électronique. Alors, Jean-Marc, on a vraiment des problèmes pour vous entendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça coupe par moment et c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Et puis, je voudrais aussi que vous arriviez à entendre les réponses de nos experts. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Non, difficilement. Non. Alors, écoutez, on peut tout faire ici, Jean-Marc. On vous rappelle le temps d'accueillir Richard au téléphone. Richard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour. Moi, j'ai un souci avec mon véhicule à moi, toujours. Et c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux ou trois semaines, j'ai terminé de faire tous les travaux que j'avais à faire dessus au niveau sécurité, quoi. Hein. Cardan, parallélisme, biellette, amortisseur, les deux amortisseurs avant et tout ça. Oui, oui. Et au niveau de l'amortisseur, vous savez, il y a deux talons qui sont en haut pour empêcher que l'amortisseur lui-même vient directement sur la tôle. Il y a un talon au-dessus là. Et à ce niveau-là, il y a toujours un bruit. Il y a toujours un bruit. Et ensuite, au niveau du grand cardan, le cardan qui rentre dans la boîte de vitesse, il y a une bague anti-fuite. Et cette bague anti-fuite-là est échangée une fois, deux fois, et ça fuit toujours. Et au niveau de l'amortisseur, ça fait un drôle de bruit de ferraille à chaque fois quand je braque un peu trop sur la gauche ou la droite. Ça cogne. Et ça cogne, ça cogne. Ça fait un bruit, ça fait un bruit de ressort, si vous voulez bien. Ça fait un bruit de ressort au niveau de la carrosserie. Et je mets en doute de ces deux pièces-là, justement. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de faire expertiser ces pièces-là? Est-ce que ça a été réellement changé ou sinon ça, il y a eu un propreté dessus et puis voilà quoi. Comment le savoir alors? Parce que on vous dit que les pièces ont été changées ou pas? La pièce a été changée, ouais. La facture à l'appui. D'accord, facture à l'appui, la pièce a été changée, malgré tout le bruit persiste. Le bruit toujours là. Le bruit. Et dire qu'avant même changer, avant même aller faire les réparations sur ce véhicule-là, eh ben c'était bien, c'était souple, il n'y avait pas de bruit à ce niveau-là quoi. Alors Et là, à la suite de réparation, ben justement, le bruit est arrivé, quoi, et persiste de jour en jour. Je pose toujours la question aussi, c'est une voiture neuve, c'est une voiture d'occasion? Ah non, c'est une voiture de deuxième main, mais ça fait trop longtemps qu'on l'a. C'est une voiture de deuxième main, très bien. Ça a été régulièrement suivi, etc. etc. Voiture de deuxième main, c'est une voiture d'occasion? Voiture d'occasion, oui. Achetée d'occasion. C'est ça. À l'époque, c'était quand j'ai pris la voiture, elle était impeccable. D'accord. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. 13 ans. Et au contrôle technique, par exemple, Alain Aznar, vous êtes directeur de qualité des centres de contrôle technique. Ce bruit, par exemple, ça mérite une contre-visite ou pas? Lorsque vous apercevez ce genre de bruit. Il y a deux possibilités. Soit, quand on... ça nous procure des à-coups dans la direction, c'est-à-dire des points durs. Non, pas cela. Donc, il y a uniquement le bruit. Uniquement le bruit de ressort, quoi. Donc, quand on tape sur un ressort, par exemple, le bruit... Voilà. Alors, il peut y avoir deux solutions. Soit la pièce a mal été montée et le roulement de tête d'amortisseur ne fait pas son office et coince quelque part. Où la pièce n'a pas été changée, le roulement n'a pas été changé, et il est plein de terre, de rouille, et puis voilà. Alors, moi, je tombe des nues. Lorsque vous dites que ça n'a pas été changé, alors que ça devait être changé, moi, c'est... Ah ben, est-ce ça a été changé ou pas changé, on ne sait pas, il faut démonter pour voir. Mais de toute façon, dans tous les cas, le garage n'aurait jamais dû rendre la voiture dans cet état-là. Et il y a eu aussi, entre-temps, il y a eu un autre souci, qu'on a ramené la voiture, ils ont rechangé la pièce. Oui. Et heureusement, on l'a vu à temps. Hein, au bout de deux jours après, on l'a ramené la voiture, et voilà quoi. Et puis le truc là-dedans, c'est que il faut payer, quoi. Bon, c'est pas un fait de payer. Ouais. Mais bon, qu'au moins, il y a un service rendu derrière et que les pièces aient quand même... monté comme qu'il faut, quoi. Ben, chaque fois, vous avez eu une facture et vous avez eu des pièces neuves changées? À l'origine, oui. Pièces neuves, oui. Et vous avez demandé à récupérer ou voir vos pièces qui ont été remplacées? Non, moi, j'ai fait confiance totalement, moi. J'ai dit, écoute, moi, je vous dépose la voiture chez vous, j'ai entendu des bons soupçons sur vous, je vous fais confiance, arrangez ma voiture, et telle chose. Mais voilà, quoi, aujourd'hui, je me retrouve avec cette voiture qui fait de trucs. Mais là-dedans, c'est que aujourd'hui, si je fais rien au niveau bague anti-fuite, par exemple, puisque là, l'huile de la boîte de vitesse, il fuit, aujourd'hui un peu, demain, et ainsi de suite. Si je laisse comme ça, à un moment donné, je vais rouler avec une voiture sans huile. Ben, vous allez finir par casser la boîte à vitesse, ça c'est clair. Aussi, oui. Voilà. Par contre, les transmissions ont été remplacées? Elles sont neuves? Les transmissions de cardan, vous dites? Oui. Les deux sont neuves. Les deux sont neuves, donc les deux bagues anti-fuite sont neuves? En principe, oui. Il y en a un côté qui ne fuit pas, mais du côté grand côté, ça fuit. Là où il est relié dans la boîte de vitesse. En principe, là aussi, il y a une bague anti-fuite. Oui, il y a une bague anti-fuite. De ce côté-là, ça fuit. Après, tout simplement, il y a interrogation peut-être que la bague d'étanchéité a été mal positionnée en lieu et place. Tout simplement, il peut y avoir un pincement de la lèvre qui génère justement la fuite. Après, Je vous invite quand même déjà à laisser de côté la confiance, hein, parce que bien souvent l'être humain, il a le cœur un petit peu sensible, et il a tendance, voilà, la personne d'en face, elle bon, me convient. Très bien. Je lui fais confiance. Non, déjà, j'ai fait des bons lorsque vous m'aviez dit, voilà, c'est pas un souci de payer. Non, je suis désolé. Un client tel qu'il soit, il paye, donc il réclame une prestation à un professionnel. Bien sûr. Il s'engage à payer la prestation et non pas les prestations qui relève peut-être d'une erreur de diagnostic, voire de l'absence d'obligation qui incombe au professionnel. Oui, donc, mais maintenant, je me retrouve avec à payer les prestations. Non, ben ça, ce n'est pas à vous de payer ça. Ça, c'est clair, c'est net et précis. Je suis certain, si je ne suis pas appuyé ou si je ne suis pas accompagné d'un expert, par exemple, oui. Je suis certain, ils vont me redemander encore de payer la main-d'œuvre, etc., etc. Derrière tout ça, quoi. Richard. Oui. Richard, vous savez quoi ? Oui. Ah ben écoutez, on va vous appuyer, hein ? Oui. D'accord. Ce serait bien. Ce serait pas mal, hein ? Ah oui, là je mets ma confiance là. Là vous avez confiance. Bon, écoutez. Oui, ne vous inquiétez pas. On a toutes vos coordonnées. On va aller au plus loin, plus près encore même de cette histoire. Et puis voilà, on vous conseillera surtout. Richard, d'accord ? Qu'est-ce que je fais là ? Vous ne quittez pas. D'accord, merci. Merci à vous, Richard. Merci. Merci. À vous. Et dans 3 minutes, nous retrouvons Jean-Marc Delouest avec sa voiture neuve qui présente de gros problèmes. Moteur cassé à 60 000 km. Que j'aime infiniment sans vous, mon bébé. Sans même mon poêle. Une minute je fais la rivière. Une heure mais je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Coucou, blesse mon sentiment. Ça fait longtemps que je t'attends. Sans vous, mon bébé. Et toi, je t'en rêvais. Baby girl, c'est ton amour, ma seule richesse. C'est vous, c'est là que j'ai toujours donné mes caresses. Nous sommes seuls à faire notre promesse. Que jamais nous va séparer, tu vas rester ma princesse. À chaque fois tu es absent, mon corps est vêtu de douce. Quand tu es à mes côtés, mon douleur passe avec vitesse. Ne laisse pas Satan nous contrôle pour faire des mauvais gestes. Je vais pleurer un océan pour que tu sois ma princesse. Une minute je fais la rivière, une heure loin je pleure la mer. Un jour sans toi, baby c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans vous, mon bébé. Sans même mon fouéré. Une minute je fais la rivière, une heure loin je pleure la mer. Un jour sans toi, baby c'est trop beaucoup. Coucou, blesse mon sentiment. Ça fait longtemps que je t'attends. Sans vous, mon bébé. Des fois je t'en rêve. Je vais te faire savoir que mes paroles sont sincères. Donne-nous tout mon amour à cause du compte mon vrai valeur. Un jour on se sépare, tu vas me quitter en plein. Donne-nous tout mon amour à cause du compte mon vrai valeur. Parfois je suis coupable, j'essaye d'éclairer mon innocence. Tu me pardonnes parce que tu m'aimes et tu me donnes aucune sentence. La seule façon d'oublier mes torts, car c'est pas ta présence. Une minute sans toi, chérie, je me sens en défaillance. Une minute, je fais la rivière, une heure loin, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où, mon bébé. Toi, quand je suis avec toi, la vie est vraiment un plaisir. Ivre ou contentement, on nous regarde, nous fuit. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu désires. Je t'ai promis sans aucun doute, je vais tout accomplir. Les temps ivre et chier, offert-moi sa plus grand plaisir. Serre-moi, rattrape-moi, continue de tenir. Je veux donner ma vie, voir ce sourire sur ta figure. Car si on se sépare, je sais que c'est moi qui vais souffrir. Une minute je fais la rivière, une heure loin je pleure la mer. Un jour sans toi, baby c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans vous, mon bébé, sans même mon poêle. Une minute je fais la rivière, une heure loin je pleure la mer. Un jour sans toi, baby c'est trop beaucoup. Beaucoup blesse mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans vous, mon bébé. Les experts de l'automobile sur Réunion Première jusqu'à 11h30. Yeah! Réunion Première, c'est la radio pays. L'information locale dès 5h. 10 hectares de broussailles. Et tout au long de la journée, des invités à votre écoute. Même petite question. Réunion Première, avec vous, sur la route, à la maison et au travail. Le Lancastel, ça y est. Grand matin, dès 5h, la Coljac à 8h et vos experts. J'aimerais savoir comment ça se passe. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Réunion Première, c'est la radio pays. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Et pour vous écouter ce matin, Patrice Fontaine, expert d'assuré, Alain Znard, directeur qualité des centres de contrôle technique, et puis Jeff Warreau de la société automobilière 974. Jean-Marc de l'Ouest, c'est bon, le son, on me dit que c'est impeccable. Ça va, Jean-Marc? Bien, oui. Oui, très bien, très bien. Alors, moi, donc ça fait un petit moment qu'on est en train de se pencher sur votre cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, Patrice Fontaine? Que doit-il faire? Je pense qu'il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a vu un expert déjà, d'accord, très bien. Il doit patienter? Je ne sais pas à quel stade de la procédure il est à aujourd'hui. Les opérations d'expertise amiable sont achevées, donc j'ai déjà remis mes conclusions. Après, je ne sais pas quel a été le retour. Jean-Marc? Oui. Des retours, est-ce que vous en avez ou pas? Alors, on va dire oui et on va dire non. Je vais vous faire une réponse oui de Normand. À savoir que, pour reprendre un peu en amont mon explication, quand on est, comme je vous disais tout à l'heure, confronté à cette situation qui est très difficile, très conflictuelle, très délicate, on est complètement perdu. Le fait d'avoir un expert indépendant, et je le souligne bien, indépendant, à notre service lors de ce genre de situation est primordial. Parce que ça nous permet d'y voir clair, d'avoir un avis déjà de spécialiste sur l'avarie, d'avoir une analyse vraiment très concrète et très pointue, ce que l'on ne peut pas avoir personnellement sur un simple plan personnel, et qui permet ensuite d'entamer des procédures et de rentrer dans un couloir qui n'est pas forcément fini et forcément facile, mais en tout état de cause, qui a un aboutissement. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais écouté mon concessionnaire, si j'avais accédé à sa proposition, si finalement j'avais en gros baissé les bras sur le parcours du combattant qui se présente devant un consommateur lambda quand on est confronté à ce genre de contexte. Donc ça c'est important. Ça permet d'être rassuré, ça permet d'être positionné sur effectivement de savoir si on est en tort ou pas, parce qu'on peut à son insu avoir commis une erreur et ne pas le savoir en toute franchise. Il s'avère que dans notre cas, dans mon cas, c'est pas du tout ce qui se passe. Je ne suis pas en cause. Je ne suis maintenant, j'ai les preuves avérées avec une analyse et un rapport d'expertise concret et précis de ce qui s'est passé. C'est bien au niveau du véhicule qu'il y a eu un problème, et certainement en amont même de l'achat de ce véhicule, et pas du tout suite comme on a voulu me le faire avaler. Et je le souligne bien, hein, parce que là, faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation de pot de terre contre de pot de fer. Et bien entendu, vous imaginez bien que le pot de terre, c'est le consommateur qui a bien sûr toujours tort et qui est, excusez-moi la vulgarité de l'expression, souvent considéré comme le simple cochon de payeur qui est là pour mettre la main au portefeuille et absolument pas avoir raison contre la grande maison respectable et institutionnelle que peut être un concessionnaire automobile. Donc là, je tourne un peu en ironie des choses, c'est bien pour faire comprendre aux éditeurs que c'est une maxime maintenant. On est là pour payer, acheter un véhicule, et puis après, débrouillez-vous. En gros, s'il y a un problème, vous êtes encore là pour payer, mais pas nous pour le réparer et avoir un service après-vente digne de ce nom. Ce qui est bien regrettable. Donc là, vous avez refusé l'offre du concessionnaire, hein, c'est ça? J'ai refusé l'offre, donc fait appel à un expert indépendant, M. Fontaine, qui a fait son expertise. L'expertise est maintenant remise, et nous entamons maintenant une procédure juridique pour obtenir raison sur la finalité de la procédure, sachant que nous ne sommes pas en tort, nous n'avons pas commis d'erreur vis-à-vis de ce véhicule et de son entretien, et je vois pas pourquoi on aurait à payer, même partiellement, la réparation. C'est non seulement injuste, injustifié maintenant, et donc, il faut aller jusqu'au bout. Alors c'est très long, c'est coûteux, c'est vrai que ça a un coût. L'avantage, c'est que on peut arrêter quand on veut. Hein. Je peux très bien dire à mon expert à tout moment, j'arrête la procédure. Si on sent qu'effectivement on peut être en tort, si on sent qu'on n'est pas en tort et qu'on voit qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, on a raison et que le jeu en vaut la chandelle, Le but, c'est d'aller jusqu'à l'objectif, et l'objectif, c'est d'avoir raison devant une institution juridique vis-à-vis de la partie adverse. Messieurs les experts, donc, selon vous, il verra le bout du tunnel, Alain Aznar. C'est parce que la procédure, voilà, ça va être très très long, hein. Ouais. Oui, c'est long, mais je pense que ce monsieur a fait le meilleur choix qu'il puisse y avoir. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est novice en mécanique, qui se fait représenter par un professionnel qui est un expert automobile, donc il a toutes les chances de son côté. Maintenant, la procédure durera ce qu'elle durera, mais je pense qu'il va être sorti de cause. Il ne doit pas abandonner Diafoirot. Non, je pense pas. Il non, faut qu'il continue. Du tout. Il faut qu'il, il est parti, ouais. qu'il continue le combat. Mais alors, en attendant, vous faites comment ? C'est bien le problème. Ouais, parce c'est que ça. Bien évidemment, quand j'ai soulevé la couleuvre auprès de mon concessionnaire, je n'ai eu ni proposition commerciale de remplacement de véhicule par un véhicule de courtoisie, non, ni de proposition avec une aide, ce qui me paraîtrait tout à fait normal, étant donné qu'on a acheté le véhicule chez bien eux, sûr. On l'a entretenu chez eux, même pour le moindre remplacement de pièces consommables, on est allé chez eux pour minimiser le risque d'un manque de confiance chez un garagiste qui, peu scrupuleux, n'aurait, en rapport aux autres témoignages que vous avez vu avoir, remplacé des pièces avec des pièces d'occasion. Donc on a vraiment été l'élève docile et respectueux des règles commerciales qu'on doit normalement observer avec un concessionnaire, pour se retrouver finalement devant une situation où le concessionnaire n'a fait absolument aucun effort commercial, nous a fermé la porte, purement et simplement, sachant que nous avons franchi toutes les strates hiérarchiques qui nous permettaient éventuellement d'avoir quelqu'un de toujours plus décisionnaire que la personne précédente pour espérer avoir au moins une réponse. Ce qu'on nous a laissé entendre pour nous fermer la porte en nous laissant les doigts dans l'embrèvement de l'huisserie, hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours très agréable. Et voilà, on a non seulement aucun retour positif, en gros c'est vous payez, sinon vous venez chercher votre véhicule. Quoi. Vous vous débrouillez, on n'est pas responsable et on veut surtout ne rien entendre. C'est la conclusion. Ouais, on vous sent déterminé en tout cas. Bah, déterminé et surtout absolument écœuré de ce système général qui consiste à ce que le client ne soit là que pour payer. Et je ne vais pas utiliser la vulgarité de l'expression qui me traverse l'esprit, ne plus avoir rien à dire d'autre. En fait, on s'aperçoit qu'on a un droit, celui de se taire, et un devoir, celui de payer. C'est absolument l'inverse de la déontologie que doit observer un fournisseur à l'égard de son client. Vous avez des droits ? Vous avez des droits, donc il faudra les faire valoir. Donc on va suivre votre dossier de très près. On reviendra vers vous dans quelques temps. Jean-Marc. J'espère, parce que c'est un cas d'école, tant sur le plan technique que sur le plan de l'évolution de la procédure, sans faire cas d'école. Je pense que, enfin sans faire jurisprudence, pardon, c'est un cas d'école parce que c'est vraiment étonnant la façon dont non seulement on a été traité, tant sur le plan technique, hein, parce que notre voiture pour l'instant est immobilisée chez ce concessionnaire, donc vous pensez bien qu'il faut qu'on trouve des moyens de se débrouiller par nous-mêmes depuis quasiment un an pour pouvoir se déplacer, et ce, à nos frais, c'est une situation complètement ubuesque. Jean-Marc, merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, les experts vous ont écouté et puis on revient vers vous, d'accord ? Merci beaucoup. Courage, merci, à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Michel de Sainte-Clotilde, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Votre question s'il vous plaît. Oui, comment ? Votre question Michel. Voilà, j'étais contrôlée avec ma carte grise, qui normalement le contrôle technique a été fait en retard. Enfin, j'ai eu 2 mois de retard pour faire le contrôle technique. Là, je l'ai fait là. Mais le problème, c'est qu'on m'a gardé ma carte grise. Alors, en fait, vous n'avez pas fait le contrôle technique dans les temps. Attends, oui, voilà. C'est ça. Il y a eu un contrôle. Très bien. Et donc, on vous a demandé pourquoi, enfin, le pourquoi vous n'avez pas le contrôle technique. D'accord, oui. Voilà, c'est ça, hein ? Oui. Et donc, on vous a pris votre carte grise ? Oui. D'accord. Alain Aznar, vous êtes directeur qualité des centres de contrôle technique. La situation de Michel. Alors, bonjour. La personne qui vous a verbalisé, parce que vous avez dû être verbalisé, je pense, et vous a retiré la carte grise. Donc, vous avez 7 jours pour passer votre contrôle technique. Oui. Et ensuite, 7 jours. Oui, c'est une fiche d'immobilisation qu'on a dû vous remettre. Oui. Alors, avec cette fiche d'immobilisation, vous allez passer votre contrôle technique. Uh-huh. Et suite à votre contrôle technique, oui. Ben, vous allez, avec votre procès-verbal, à la préfecture ou au commissariat, récupérer votre carte grise. Oui, voilà. Mais au commissariat, on ne m'a pas donné ma carte grise. Parce que vous avez passé votre contrôle au bout de combien de temps après avoir été verbalisé ? Comme il y avait le week-end, donc j'ai fait au bout de 5 jours. 5 jours, ils auraient dû vous restituer votre carte grise. Ben, c'est après 7 jours, votre carte grise part à la préfecture. Pardon ? Il y a des petits travaux à faire. Oui. Mais normalement, j'ai 2 mois pour faire les... Oui, mais le... Mais de toute façon, du moment où vous avez passé le contrôle technique, même si vous êtes en contre-visite, on doit vous restituer la carte grise. Ben oui, ils vont pas donner ma carte grise. Ça, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On a gardé sa carte grise. Et uh-huh. vous avez fait la contre-visite, c'est ça, enfin, la contre-visite. Vous avez été amener la voiture au contrôle technique. Oui, oui, j'ai fait le contrôle technique. Non, oui. Vous avez le document et tout qui prouve que vous avez été au contrôle technique. J'ai le document. D'accord. Et on ne veut pas vous rendre la carte grise. Alors, je pense que la personne qui ne veut pas vous rendre la carte grise n'est pas au courant des procédures. Ah. Ben oui, ou alors essayer de voir avec son responsable, son supérieur, et à ce moment-là, vous lui demandez à cette personne de lire l'arrêté du 18 juin 91 qui explique justement l'immobilisation de la carte grise et de la fiche provisoire. Parce que normalement, vous passez votre contrôle, si vous le passez avant 7 jours, vous récupérez votre carte grise au commissariat ou à la gendarmerie qui vous a verbalisé. Uh-huh. Au-delà, vous récupérez votre carte grise à la préfecture. Ben, ils n'ont pas voulu me donner, on m'a dit non. Alors, mais attendez, mais c'est une voiture neuve, votre voiture, là ? Non, c'est pas une voiture neuve. C'est une voiture que vous avez achetée avec quelqu'un ? Non, ça fait longtemps que c'est la voiture. Voilà, mais c'est ça, ouais, d'accord, très bien. La carte grise a toujours été à votre nom. Bon, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoire ou pas, Jeff Waro, Patrice Fontaine ? Non, du tout. Ben, de garder la carte grise de quelqu'un ? Ben, on a quelquefois des gens qui ne sont pas, ou que vous tombez sur un jeune policier ou gendarme qui n'est pas au courant et qui ne veut pas vous rendre la carte grise. C'est ben tout. Oui, mais comment je vais faire alors ? Ben, allez voir son responsable et vous lui expliquez qu'il faut qu'il lise la réglementation. Mmh. Absolument. Vous y allez avec tous les documents, preuve à l'appui que la voiture a fait donc son contrôle technique. Et vous demandez votre carte grise. Par contre, quand vous récupérez votre carte grise, vous retournez dans le centre de contrôle technique pour qu'il vous colle le timbre sur la carte grise. Oui, oui. D'accord ? Oui. Voilà. Et puis on prendra dans quelques jours des nouvelles vous concernant. D'accord, ok. Merci Michel. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Jusqu'à 11h30, les experts de l'auto répondent à toutes les questions, des conseils sur la voiture d'occasion, les pièges à éviter, qu'est-ce qu'on appelle un vice caché, le contrôle technique. Profitez aussi, puisque nous avons un expert, notamment, qui est avec nous, Patrice Fontaine, Jeff Waro, et puis Alain Aznar. 02 62 99 2000 pour toutes les questions. Tous les jours, j'ai dans mon tête un soleil. Tic tic à moi-même la nuit, tellement m'y trouve pas sommeil. Débrille comme un vélib, capable fait jaloux l'aller. Débrille comme un vélib, capable fait jaloux l'aller. Pareil mental Luther King, depuis grand matin quand m'y lève, jusqu'à donne comme la nuit, quand moi n'a rien que l'espoir. Pour tenir debout quand mon goni les vide, et que moi nazis l'amour, à moi m'y rêve. À tes moi m'y rêve. Comme un fanal pour mieux voir. Dans vallée la moye claire, que n'a fois des fois il faut, dia ou n'a point d'hasard. Malgré ou goût douleur, n'a toujours battement d'un cœur. Malgré ou goût douleur, n'a toujours battement d'un cœur. moi mi rêve. Pareil Martin Luther King, depuis grand matin quand m'y lève, jusqu'à n'entendre la nuit, quand moi n'a rien que l'espoir. Pour tenir debout quand mon goni les vide, et moi nazisse l'amour, à moi mi rêve. Hâtez-moi mi rêve. Ayaman sur la première, bonne fin de matinée à tous, il est 11h. Les experts de l'auto reviennent juste après l'info signée Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Aux assises, verdict attendu ce soir dans l'affaire de viol et séquestration sur une mineure de 11 ans. L'accusé, un homme qui hébergeait la victime, ses frères et sœurs et sa mère au moment des faits, continue ce matin de répondre aux questions de la cour et il persiste à nier les accusations portées contre lui. À midi, nous serons en direct de la cour d'assises avec Nadine Bachelot. Dans l'actualité judiciaire, en correctionnel, cette fois, le procureur de la République a décidé de faire appel de la relaxe de Maurice Gironcel dans l'affaire de tentative d'achat de voix lors des élections municipales de 2014. Le parquet de Saint-Denis avait requis 5 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison ferme à l'encontre du maire de Sainte-Suzanne en première instance. Maurice Gironcel devra donc revenir à la barre pour s'expliquer sur ce dossier devant la cour d'appel cette fois. Une information de nos confrères du GIR ce matin. Comment faire pour se baigner dans la mer sans risquer une attaque de requins en dehors du lagon? Une solution existe déjà avec les bassins artificiels, mais ceux qui existent déjà doivent être remis en état et plusieurs plages de l'île n'en disposent pas. Hier, en visite sur le site de Grandance à Petite-Île, le préfet de La Réunion a annoncé qu'un programme régional de création et de réfection des bassins était en cours. Ces projets qui mêlent la région, l'État et les communes sont actuellement au stade d'étude. Chaque année, une vingtaine de sociétés réunionnaises font des affaires avec l'Afrique du Sud. Hier, à la Chambre de commerce et d'industrie, une trentaine de chefs d'entreprise ont pu se renseigner sur les opportunités proposées par ce pays qui représente la deuxième économie africaine. Quels sont les secteurs porteurs et quels sont les bons comportements à adopter? Élément de réponse dans le journal de midi. L'euro est à peine fini. On passe déjà aux qualifications pour la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie. L'équipe de France joue ce soir en Biélorussie. Dans l'effectif, évidemment, on compte Dimitri Payet. En juillet dernier, le Réunionnais s'est fait une place incontestable chez les Bleus. Mais est-il pour autant certain d'être dans le 11 de départ ce soir et lors des prochaines rencontres? Même si tous les supporters réunionnais le souhaitent, ce n'est pas si évident. Ce ne sera peut-être pas automatique. On en reparle tout à l'heure dans le journal de midi. Et puis juste après cette édition à 12h15, C'est dans l'actu sera consacré ce midi à la télémédecine pour dépister les diabétiques, car samedi aura lieu le premier dépistage décentralisé à Elbourg, une opération axée sur la rétinopathie diabétique, une complication grave du diabète qui peut rendre aveugle. Et les invités de Philippe Dornier seront docteur Jean-Marc Simon-Pierry de l'ARS, Éric Carucci, le président de l'URPS, des orthoptistes, l'Union régionale des professionnels de santé, et puis Philippe Docquitonon, le président d'ADN 974, l'association à diabète nutrition. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, et bien par SMS au 06 92 70 2000. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à midi pour le journal. Merci Antoine Garnier. La météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Au fur et à mesure que nous nous approchons de la zone côtière de Saint-Denis à Sainte-Rose, en passant par Saint-André, le ciel est nuageux. En revanche, sur une large moitié sud-est, il fait bien meilleur. Dans l'après-midi, le temps sera gris dans les hauts. Il continuera de faire beau, de Saint-Pierre à Saint-Leu, à la Possession également. Et puis sur Saint-Denis, les températures affichées ce matin, donc pour toute la journée en tout cas, 22 degrés sur la côte est, 24 dans l'ouest et puis 20 degrés dans les cirques. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Les experts de l'auto sont à nos côtés ce matin jusqu'à 11h30. Pour les joindre, vous composez le 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. Besoin de conseils avant de vous lancer dans un achat de voiture? Les pièges à éviter, on en parle aussi sur la première. Que doit-on savoir sur le contrôle technique? Que dit la réglementation concernant l'achat d'une voiture avec un particulier? Et puis on peut revenir aussi sur le transfert de carte grise. 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart, unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beans for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, set me free. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Eric est au téléphone. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour. Oula, vous avez un drôle de son avec votre téléphone. Vous êtes avec un kit Bluetooth. Alors, tout sur la voiture roule en même temps, je parle avec vous, je m'excuse. Non, non, non, mais c'est pas ça, mais baisser, enfin, monter les vitres de la voiture, baisser un petit peu le retour du kit, et puis voilà, on va vous écouter. Je vous présente les experts Alain Aznar, Jeff Waro et Patrice Fontaine. Alors, ça concerne une voiture d'occasion? Voilà, une voiture d'occasion. Allez-y, voilà, Eric. Voilà, ça fait la deuxième année là. J'avais, en même temps, j'ai fait un crédit pour deux voitures d'occasion. Oui. Un crédit de 19 000 euros pour une 210 et une 207. C'est pas la peine. Une 207 cabriolet. C'est pas la peine de citer la marque, s'il vous plaît, Eric. Ah, ok, d'accord, je m'excuse. C'est pas la peine. Allez-y. Alors, voilà. Aujourd'hui, je me retrouve, par exemple, la 210. Eric, ne citez pas, dites juste une marque française, c'est tout. Oui. Voilà. Ben, les véhicules, un des véhicules après l'achat, il est parti à bouillir. Et le mien, quand j'ai vu geler, ben, jusqu'à maintenant, je vais toujours des réparations dessus. On a... J'aimerais savoir comment faire. Alors attendez, Eric, déjà vous avez un son qui n'est pas très bon pour les oreilles. Oui. C'est juste qu'on n'a pas très bien compris votre situation. C'est ça le problème. Vous avez acheté deux voitures. Voilà. Bon, qu'importe la marque, hein, c'est pas la peine, japonaise, allemande, qu'importe. Vous avez acheté deux voitures, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une des voitures qui était pourrie. On a eu un accident. C'est parti à l'épave. Voilà, il y a eu un accident avec une des deux voitures. Donc, déclaré à l'épave, c'est ça? D'accord. Ouais. Et la deuxième, je l'ai toujours jusqu'à maintenant, mais je veux toujours des réparations depuis l'acheter. Depuis que j'ai acheté ma voiture, je ne veux plus réparer jusqu'à maintenant. Depuis que vous l'avez acheté, voiture d'occasion, vous faites des réparations? Oui, voilà. Bon, et d'accord. Votre question, c'est? J'aimerais savoir comment faire, à qui me soigner pour essayer de me voir un peu plus clair sur tout cela, quoi. J'arrive pas à m'en sortir quelquefois. Bon, messieurs, on ne parle plus de la première voiture. Parce que c'est fini, c'est épave. D'accord. Voilà, c'est un accident. Oui. La deuxième voiture, il continue de faire des réparations dessus, sachant que c'est une voiture d'occasion. Bon, Jeff Waro. Oui. Ça fait 2 ans qu'il a acheté les deux véhicules, je pense. Hein. Ouais, ça fait la deuxième année. Hein. Voilà. Vous avez effectué quel genre de réparation dessus, s'il vous plaît? Distribution, embrayage, les roues. Aujourd'hui, ça continue. Enfin, maintenant, je répare tout le monde. Je ne roule pas le reste, mais encore, j'ai réparé. C'est de l'entretien basique sur votre véhicule, distribution. Non. C'est pas des. Pour moi, ça reste de l'entretien basique, la distribution qu'il y a à faire régulièrement, les freins, les pneumatiques. Ça reste de l'entretien basique, c'est normal. C'est un véhicule. Oui. Oui, mais alors, attendez. Alors là, on va reprendre les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Il a acheté une voiture d'occasion. Oui. On lui a donné tous les renseignements, que la distribution a été changée, que le contrôle technique, que si, que ça. On vous a dit tout ça? Oui, on m'a dit tout ça, mais j'ai bataillé avec eux pour avoir les paquets. Parce que maintenant, je cours quelques pas d'IA pour avoir des paquets. Ah, vous n'avez pas eu de facture de l'entretien du véhicule? Non. D'accord, vous avez acheté le véhicule avec un professionnel? Oui. D'accord. Bon. La distribution, vous l'avez faite au bout de combien de temps? Même pas un an après. Un an à l'achat. D'accord. Et tout ce qui est entretien, vous avez effectué? Oui. D'accord. J'ai fait tout. Et qu'est-ce qui se passe actuellement, du coup, en fait? Là, maintenant, par exemple, pour le toit, je repasse mon toit. Oui. D'accord. Et, waouh, c'est pas donné. Oui. Bon, Patrice Fontaine, Alain Aznar, Jeff Waro, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit qu'il continue de faire des réparations. Non, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que vous avez acheté une voiture, j'ai l'impression que vous avez acheté la voiture en état, c'est ça ou? Moi, ce que j'ai dit aussi, ils m'ont endormi quoi. Patrice Fontaine. Alors là, il a été acheté une voiture avec les têtes baissées, les yeux fermés, là. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça, il faut éviter ça. C'est pas possible, Eric. Excusez-moi de m'emporter, mais bon. Vous ne pouvez pas aller acheter quelque chose comme ça, tête baissée. Patrice Fontaine, expert d'assuré. Donc, quand cette personne s'est rapprochée du professionnel pour faire l'acquisition de cette voiture, donc on va laisser de côté la première qui a fait l'objet d'une mise à l'épave. Vous étiez au courant de l'âge, donc de la première mise en circulation de cette voiture, de son kilométrage, et peut-être, si le véhicule avait 4 ans à monter, la remise du contrôle technique qui vous renseigne de son état. Oui. À partir de là, c'est important de le souligner, c'est un véhicule d'occasion, et non pas neuf. Oui, bien sûr. Voilà. L'acquéreur lambda que vous êtes, n'étiez pas informé de l'historique de cette voiture. D'accord. Comme bien souvent, c'est le cas quand on se rapproche d'un parc ici et là. Oui. Maintenant, en tant que propriétaire, donc nouvel acquéreur, il vous appartient et il reste à votre charge les frais d'entretien et de réparation, justement pour pouvoir jouir de ce véhicule sur la durée la plus longue. D'accord ? Oui. Oui. Maintenant, moi, ça ne m'étonne aucunement le fait qu'à aujourd'hui, vous dites « j'ai des dépenses à n'en plus finir ». Oui, mais ce que vous avez cité relève de l'entretien pur et simple. Oui. Voilà. Vous avez fini sur le toit. Donc le toit, est-ce que c'est le ciel de pavillon ? Est-ce que c'est le revêtement intérieur qui se décolle ? Chose qui arrive quand un véhicule est stationné à l'extérieur. Par exemple, quand je monte mon toit, au niveau du coffre derrière, il y a comme si de l'huile, ça sort à l'intérieur du coffre. C'est une cabriolet. D'accord. C'est une cabriolet ? Ouais. Bon, après, rien ne vous empêche à confier le véhicule à un professionnel habilité, donc qui s'y connaît quand même dans le mécanisme d'ouverture et de fermeture de capote, pour ouais. qu'il puisse vous établir un devis. Et après, à partir de là, vous voyez si ce devis correspond effectivement à ce qu'il y a à faire ou s'il n'y a pas de tromperie ou autre. Après, vous pouvez toujours vous faire représenter par un autre professionnel totalement indépendant pour avoir un regard neutre et qui vous renseignerait justement sur ce document qui a été établi et peut-être en même temps voir les différents travaux qui ont été effectués jusqu'à présent. Alors, au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il pourrait se retourner contre la société qui lui a vendu la voiture, etc., etc. Il a besoin de conseils, Alain Aznar. Parce que j'ai gardé tous mes factures. Hein. Oui, non, ça c'est... Vous l'avez bien fait, oui. Bon, que peut-il faire ? Déjà, premièrement, votre véhicule, quand vous l'avez acheté, il avait combien de kilomètres ? 100 000 kilomètres. 100 000. Et là, j'ai 142. Et là, vous avez 142. Au bout de 2 ans, il a roulé 42 000 kilomètres. Au bout de 2 ans, voilà. J'ai fait 24 000 par an. Bon, mais tout ce que vous dites et ce qu'a dit tout à l'heure la personne, l'expert, c'est que ce que vous dites, ce ne sont que des pièces d'entretien. Les freins, l'embrayage, vous êtes obligé de changer. À 100 000 kilomètres, on sait très bien que la distribution, vers 100 000 kilomètres, la plupart des véhicules doit être remplacée. Alors, soit on vous la remplace avant de vous vendre le véhicule, soit, si vous prenez le véhicule dans l'état, vous savez très bien que vous allez être obligé rapidement de changer la distribution. Oui, mais moi, j'avais demandé à faire la distribution, et ils m'ont dit non. On attendait jusqu'à 180 000 la voiture. Et moi, j'ai dit non, dans ma tête, non, ça n'a jamais été. Même chose avec mécanique, mais 180 000 km, c'est impossible pour moi. Ah, sur certaines marques de véhicules, attention. C'est préconisé par le constructeur et c'est bien noté dans le livre d'entretien. En fonction de la motorisation que vous avez sur certains véhicules, la distribution peut aller jusqu'à 180 000 km. Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dit dans ma tête, en tout cas, moi, je ne savais pas ça. Alors, attention, c'est. Patrice Fontaine. Il y a une durée kilométrique qui est annoncée aux environs de 180, mais après, il y a une durée en parallèle temporelle, oui. Qui peut être de 4 ans ou 5 ans. Et c'est au premier des termes échus. C'est-à-dire, soit on arrive avant sur l'anniversaire 4 ans ou 5 ans, ou 180 000 kilomètres. Donc là-dessus, il faut faire très attention. Après, pour répondre à la question de Claude, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il y aurait possibilité d'exercer un recours auprès du vendeur, je dirais non. Non. Pourquoi ? On dépasse déjà les 6 mois qui suivent l'acquisition, donc on ne peut pas mettre en avant un défaut de conformité. D'accord. Et ensuite, il n'y a pas d'éléments factuels qui prouvent de l'antériorité des problèmes dont vous plaignez aujourd'hui. Donc si on n'a pas l'antériorité en main, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait eu un passage de cette voiture signalant un problème, là en l'occurrence d'ouverture ou de fermeture de capote, avant même que vous n'achetiez l'auto, on ne peut pas tenter une action auprès du vendeur pour un vice caché ou autre. Oui, Eric. Donc ce sont les conseils de nos experts. Ceci dit, ça a quand même 2 ans. Hein, vous avez fait l'affaire il y a 2 ans. Donc vous avez roulé 42 000 kilomètres. Après, c'est peut-être des changements de pièces d'usure, etc. En tout cas, on reviendra vers vous un petit peu dans quelques semaines, voir un petit peu où ça en est. Et puis, merci surtout d'avoir appelé. Mais bon, Alain Aznar, Jeff Waro, Patrice Fontaine, que peut-il espérer de plus ? Personnellement, il peut rien espérer. Rien espérer, si ce n'est que la voiture, elle commence à vieillir et à avoir des kilomètres et de la remplacer par un véhicule plus récent. 20 000 km par an, quand même. Il est à 20 000 km plus par de 20 000 km an. Par an. Sur l'île, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Eric, merci. Je roule beaucoup. Voilà. Vous roulez beaucoup. Vous travaillez aussi. Eric, merci. On a votre numéro de téléphone. On reviendra vers vous, d'accord? Ok, d'accord. Merci, bonne journée. Merci. Merci, vous aussi, au revoir. Très bien, merci, au revoir. Merci, au revoir. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Il vous reste 10 minutes pour joindre Mathias au standard de la première. Les experts de l'auto répondent à toutes vos questions. Voiture neuve, voiture d'occasion, des soucis avec, peut-être avec le concessionnaire ou avec le garagiste. On peut revenir aussi sur le contrôle technique 02 62 99 2000. Première. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce qu'il y a du monde à la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Première. T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après. Y'a tant de façons, de manières, de dire les choses sans parler. Mais comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue. Et par le jeu des transparences, ces fruits dans les plis du tissu qui balance. S'agissait pas de monter bien haut, mais les pieds sur les premiers barreaux. J'ai senti glisser le manteau de l'enfance. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé. Un arbre s'est vite fendu, le bois, quelqu'un a dû le vendre. S'il savait le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs en suis-je descendu. De tous ces jeux de transparence, ces fruits dans les plis des tissus qui balancent. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser. Mais une aussi belle lumière, jamais. À la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. Tout s'envole en ombre légère, tout sauf ce goût de fièvre et de miel. C'est envolé dans l'espace, le sourire, la robe, l'arbre et les chairs. À la vitesse où le temps passe, rien, rien n'efface l'essentiel. D'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. Et voilà que du sol nous sommes, nous passons nos vies de mortels. Chercher ces portes qui donnent vers le ciel. La robe et l'échelle, Francis Cabrel sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. J'ai bien vu autour de cette table, il y a des fans de Francis Cabrel. Jean-Claude de Sainte-Marie. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez bien, Jean-Claude ? Je vous remercie. Je vous appelle pour la première fois. Et c'est vrai. Je vous écoute très souvent. Une émission très agréable le matin, etc. C'est très bien. Bon, merci d'être passé. Passez prendre votre chèque en bas et puis. Ah, pourquoi pas? Pourquoi voilà. Pas, non, non. Jean-Claude. Voilà. Alors, ce matin, on est sur les problèmes de voiture, voiture alors, neuve, voiture de location. Moi, je voulais juste rajouter une anecdote. Bien sûr. Alors, Jean-Claude, ne citez pas de marque, s'il vous plaît, c'est important. Non, j'ai bien compris. Je vous écoute assez régulièrement. Quand j'étais un peu jeune, je trouve que sur l'arnaque des voitures d'occasion à La Réunion, c'est incroyablement important et j'ai l'impression qu'on. Tout le monde, au fait, on le sait, mais on laisse faire un peu entre les experts de voitures, les garagistes, les concessionnaires, etc. etc. Une voiture qui est vieille, on la sort, on le revend pas chez un concessionnaire, mais on le redonne à un marchand de voiture, qui lui va refaire du profit sur une voiture qui sait très bien qu'elle n'est pas bon. Et ainsi de suite. Des gens qui, vous voyez, toute cette, et je comprends de plus en plus pourquoi les gens achètent des voitures neuves, même quand ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, entre guillemets. Moi-même, quand j'étais bien jeune, je me suis fait avoir deux fois avec une voiture qui avait un contrôle technique où la direction était soudée. Et que j'avais fait l'essai comme ça sur une partie plat et qui n'avait pas eu de problème. Et après, plus tard, quand je roulais un peu plus vite, je voyais la voiture trembler, etc. Et là, je me suis fait avoir. Je roule toujours en voiture d'occasion, je fais attention de prendre des voitures de 30, 35 000 km, un peu moins des fois, mais je trouve que quand on est habitué, après quand on fait attention à tout ça, on voit quand même que les voitures d'occasion, c'est une arnaque totale. Là, c'était un petit peu le coup de gueule de Jean-Claude, oui. Total. Bah, écoutez, parce que sorti des concessionnaires, on revend aux marchands, les marchands refait du profit chez des gens qui n'ont pas de moyens. Les concessionnaires le savent, mais on le vend quand même pour se débarrasser. Après, vous avez des marchands qui achètent des voitures d'occasion, qui achètent des voitures même mises à l'épave et qui les retapent des garagistes et qui les revendent. Il y a des choses qui sont lamentables. C'est là-dessus qu'il faut mettre la main et il faut arrêter ces gens-là et les mettre en procès ou je sais pas. Il faut trouver une solution, arrêter ces gens-là. Parce que c'est des gens qui très souvent n'ont pas beaucoup de moyens. J'ai vu ma nièce pas très longtemps, elle a acheté une voiture. Toute la moitié de l'arrière de la voiture a été refaite. Mais la pauvre, c'est une fille, elle est allée, le monsieur lui a dit non, ne vous inquiétez pas. Et c'est lamentable. Je trouve ça lamentable. Des gens qui travaillent, qui commencent à travailler, qui ont besoin d'une voiture et qui achètent. Que ce soit au contrôle technique, aux experts de voitures, automobiles, concessionnaires, ils sont tous complices. À certains moments, il faut arrêter. Jean-Claude, merci pour ce coup de gueule. Merci à vous. Vous restez avec nous. Il y a des personnes qui patientent et puis on va les écouter aussi. Merci, Jean-Claude. Merci à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Alors, est-ce que c'est Henri-Pierre ou Laurence? Henri-Pierre au téléphone. Bonjour, Henri-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai acheté une moto là, pas mal de temps, et il y avait un problème d'allumage. Alors j'ai déposé chez le concessionnaire qui représentait la moto. D'accord, pas la peine de citer. Oui, je vais pas citer. Ouais. Et du coup, il m'a demandé de faire une révision. Oui, et quand je lui ai demandé de faire la révision en même temps, ils ont réparé, ils ont trouvé la panne. Mais le problème, depuis la révision, la moto n'arrive plus à rouler. Il ne roule plus la moto. La moto ne démarre plus ? Non, elle démarre, mais la révision, ils ont fait la révision, mais la révision, ils ont joué dans le moteur, et ils n'arrivent plus à faire marcher la moto. La moto, elle allume bien, par contre, pour le démarrage, c'est bon. Mais juste le démarrage. Ouais, Patrice Fontaine, vous connaissez aussi un peu les motos ? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, concernant la situation d'Henri-Pierre, il y a un qualificatif qui me gêne, ils ont joué dans le moteur. Ouais, ça c'est... Voilà, oui, c'est un peu fort. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'un concessionnaire tel qu'il soit reste un professionnel. D'accord ? Oui. Un professionnel, quand il intervient sur un véhicule, et en l'occurrence une révision, il ne va pas s'amuser, moyennant 0 euros, à démonter le moteur pour aller bricoler. Donc il va s'attarder uniquement sur la prestation initiale qui a été réclamée par son client, en l'occurrence une révision. Donc une révision consiste en quoi ? À faire la vidange, à changer les filtres, à vérifier les plaquettes, les disques et à les remplacer au besoin avec l'accord préalable de son client. Oui. Donc maintenant, c'est sûr que je me mets toujours à la place de mes clients, parce que bon, j'essaie aussi de me dire, ben oui, qu'est-ce que j'aurais aimé ou ne pas aimé qu'on m'inflige lorsque je dépose ma moto ou mon véhicule à un endroit. Ici, en l'occurrence, vous déposez pour une révision et peu de temps après, vous êtes victime d'une panne. Donc, la moto qui ne roule plus. La question, c'est de quoi relève la panne ? La moto roule, hein, mais apparemment, elle ne marche plus comme avant. Hein. Donc, ne roule plus, ça peut être une panne, ça peut être dysfonctionnements divers et variés. Donc, est-ce qu'il y a eu un diagnostic d'établi où le professionnel, justement, arrive à se positionner sur l'origine ? Henri Pierre ? Oui. Alors ? C'est comme Midiao, elle commence à la révision pour faire. C'est une moto, bon, il faut changer les galets, il faut peut-être regarder les galets, la courroie, tout ça. Mais ils ont changé le fait la révision. Moi, quand je suis venu pour prendre la moto, je lui ai dit que la moto, ça avance pas, c'est pas bon, ça pue la pêche. Et ils m'ont répondu, il faut voir aller plus loin, il faut aller voir plus loin, on va régler ci, on va régler ça. Et il dit, pourvu que la moto retrouve la pêche, vous faites ce qu'il faut, mais pourvu que la moto retrouve la pêche. Alors ils ont fait ci, ils ont fait ça, et résultat, en trois fois, je suis venu chez eux pour récupérer la moto, c'était pas bon, j'ai pas pris, mais la quatrième fois, j'ai fini par accepter, et puis j'ai pris, mais du coup, la moto est droit à ma maison, et j'ai pu plus faire rien avec. Non, mais là, j'ai payé quand même 350 € pour une 125 4 temps, qu'ils ont, machin. Là, alors, Henri Pierre, oui. on va aller beaucoup plus loin, vous concernant, on a vos coordonnées, on revient vers vous, d'accord? Oui. D'accord? Okay. Soyez rassurés. Merci Henri Pierre. Oui, merci. Ah, c'est pas normal. Enfin bon, il faut aller beaucoup plus loin. Laurence est avec nous. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Alors moi, je vous appelle pour vous dire qu'en fait, j'avais un petit souci depuis un moment avec ma voiture et je n'osais pas l'emmener chez un garagiste de quartier. Là, je voulais l'emmener chez le concessionnaire directement. Donc j'ai attendu jusqu'à ce que je puisse avoir un peu de sous pour aller la faire réparer. Donc, quand j'ai déposé ma voiture chez le concessionnaire, j'ai bien précisé quel était le problème que je ressentais sur la voiture. Donc, on a bien pris note de tout ça. On a fait un diagnostic, on a passé une balise, on me dit, sur la voiture, on a fait un diagnostic et on m'a dit, voilà, il y a un devis. On m'a dit, quand j'ai vu le devis, j'ai dit, on fait les réparations. Mais quand j'ai vu le devis de réparation, je me suis dit, vous allez changer cette pièce-là, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'entends comme bruit dans ma voiture. On m'a dit, non, vous inquiétez pas, le problème est lié de toute façon à cette pièce-là. J'ai dit, ok, donc on a réparé ma voiture. J'ai récupéré ma voiture une semaine après, et quand j'ai récupéré ma voiture, il y avait toujours le même souci. Oui. Donc je suis repartie voir le technicien qui m'avait reçu. Et il m'a dit, je comprends pas, vous n'avez pas déposé votre voiture pour ça. Nous, quand vous avez déposé votre voiture, il y avait un défaut sur un témoin, on a réparé. Et puis, aujourd'hui, ils ont récupéré ma voiture. Ils disent qu'ils sont en train de travailler dessus, ils sont en train de faire un truc plus approfondi. Mais on me dit, maintenant, c'est autre chose, effectivement, qu'il y a dans ma voiture. Et ils sont en train de faire un devis pour une réparation, une nouvelle réparation que je devrais payer. Ah, cette voiture, elle a quel âge ? Ma voiture doit avoir 12 ans. 12 ? Oui. 12 ans. Messieurs les experts, on lui a dit, on va regarder de plus près. On avait des devis, jusqu'à maintenant, elle était d'accord plus ou moins sur le prix, c'est ça, du devis ? Oui. C'était abordable. Ben, c'est abordable parce que j'avais pris du temps à économiser, parce que je savais à peu près... Voilà. Alors, Alain Aznar. Bon, sur ce véhicule, quand vous l'avez emmené pour le faire réparer, quand vous a établi un devis, est-ce que vous avez signé un ordre de réparation qui précisait exactement ce qu'on allait faire sur le véhicule ? Oui, mais quand j'ai vu le devis de réparation, j'ai demandé au responsable qui m'avait fait le devis, je lui ai dit, monsieur, mais est-ce que vous êtes sûr que ce sera réglé le souci ? Parce que moi, j'ai déposé. C'est vrai qu'il y a un problème sur un témoin qui est allumé dans le tableau de bord. Mais ça, ce problème-là, je peux le gérer encore. J'ai autre chose de plus important qui m'inquiète sur la voiture. Il m'a dit, d'abord, on règle ça. C'est lié, madame. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller directement sur l'autre problème. Et Laurence, n'étant pas garagiste, n'étant pas une mécanicienne, etc., évidemment, vous avez dit oui. Ben oui. Mais C'est-à-dire que quand un témoin s'allume... Mais on m'a surtout précisé que les deux problèmes étaient liés. Le témoin qui était affiché et mon problème que je vois et que je ressentais pendant ma conduite, on m'a dit que c'était lié. Quand j'allais changer, quand ils allaient changer la pièce au niveau du moteur, il n'y aurait plus le bruit que j'entends et il n'y aurait plus de témoin non plus allumé. Donc c'est pour ça que j'ai fait confiance. J'ai dit bon, ben ok, sûr. D'accord. Ouais. Non, mais vous me dites, et on va régler d'abord le problème du témoin. Moi, si je réfléchis un peu, quand un témoin s'allume, ça veut dire que j'ai un problème ailleurs et que le témoin est là pour m'indiquer le problème. Alors, d'éteindre le témoin, ça ne va pas régler mon problème. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire d'abord ? C'était régler le problème, puisque soi-disant c'était lié, et après le témoin devait s'éteindre. Mm-hmm. Mais on n'éteint pas le témoin et on règle le problème après. Voilà. Ben oui. Est-ce que je peux préciser certaines pièces qu'il fallait changer là? Parce que vous allez comprendre. Vous ne parlez pas de marque, mais vous me donnez les pièces. Oui, alors. Oui, voilà. Soyez pas trop technique. D'accord. Moi, en fait, quand je roulais avec ma voiture, à chaque fois que je faisais un virage sur la gauche, je sentais que ma roue, il y avait le témoin anti-patinage qui se déclenchait et ma roue se bloquait. Donc ça faisait un petit peu peur, donc je me suis dit, il vaut mieux que je dépose ma voiture. Mais ça fait au moins un an ou deux que j'ai un témoin qui s'allume dans ma voiture, et c'est la vanne EGR en fait qu'il fallait changer. Donc j'ai emmené au garage, et là ils m'ont dit, voilà, on va changer le bloc EGR, c'est un bloc, il faut changer le bloc complet. Oh là là. Donc, alors qu'il y avait tout un circuit de l'admission à nettoyer avant. Donc eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris ma voiture, ils ont changé le bloc direct. Ensuite, ils m'ont rappelé pour me dire, madame, je ne pourrais pas vous donner votre voiture tout de suite parce qu'il y a un nettoyage. Apparemment, le témoin, il est toujours là. Il faut le nettoyer maintenant. Donc, ils ont changé le bloc. Il y avait toujours le souci de témoin. Ensuite, ils ont nettoyé l'admission. Je pense que je ne suis pas technicienne, mais je pense qu'ils auraient dû d'abord faire le nettoyage de l'admission et ensuite changer le bloc pour voir. Oui. Mais bon. Alors, oui. Laurence, on arrive à la fin de l'émission, c'est important, mais on vous a écouté, on a tous les renseignements. Patrice Fontaine, pour conclure. Mais le plus grave dans tout ça, monsieur. Oui. C'est qu'aujourd'hui, ils ont fait un nouveau diagnostic et ils me disent que le bruit au niveau de ma roue qui se bloque, c'est un problème qui est lié à la direction et qu'il faut certainement changer la colonne de direction qui va me coûter au moins 2 à 3 000 euros. Oui. Patrice Fontaine, question importante, que doit faire Laurence? Elle patiente, je l'orienterai plus sur une assistance pour une expertise, pour vérifier justement les travaux qui ont été effectués jusqu'à présent, et en même temps vous accompagner sur la vérification du diagnostic qui est actuellement entrepris par le concessionnaire, pour voir si c'est justifié les devis qu'on serait amené à vous présenter ou pas. Mm-hmm. Laurence, vous souhaitez qu'on aille beaucoup plus loin? Moi je pense qu'il y a eu un mauvais diagnostic dès le départ et je vais pas payer pour un travail qui a été mal fait depuis le départ. Je vais vous envoyer des spécialistes du diagnostic, d'accord, Laurence? Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Nous avons toutes les coordonnées, donc soyez rassurés aussi. Merci Laurence. Au revoir. Merci. Non, merci. Alors, il faut être très vigilant, messieurs, on va conclure là-dessus. C'est les conseils importants à retenir, Alain Aznar, avant l'achat d'une voiture. Bon, avant l'achat d'une voiture, quand on décide d'acheter une voiture, soit on fait un contrôle technique volontaire et on a le bilan exact de l'état du véhicule. Ouais. Et si on investit dans ce véhicule et qu'il y a des soucis par la suite, eh ben, prenez contact avec un expert indépendant et au moins, vous avez des choses réelles. Mais n'allez pas retourner voir le concessionnaire ou le garage qui, lui, ne regarde que l'avantage de son portefeuille. Et à la sortie, c'est vous qui payez, qui ne vous en sortez pas. Jeff Waro. Oui. Moi, je préconise, comme M. Aznar, le contrôle technique volontaire. Fournir aussi... Même si le contrôle technique a été fait, on en fait un autre. C'est ça. En fait un autre, oui. Non. Fournir le PV... Que l'on devra débourser de sa poche, on est bien d'accord. Exactement. Très bien. Ouais. Fournir le PV du contrôle technique. OK. Pour voir les différents objets à remplacer ou pas. Oui. L'essai du véhicule qui est très important. Essayer la voiture, c'est très important. Et se faire assister, c'est possible, Patrice Fontaine, avant d'aller acheter une voiture, on peut se faire assister par quelqu'un, un expert. Absolument. C'est possible. Tout à fait. D'accord. Et donc l'expert va regarder avec la personne qui sera intéressée par la voiture. Et vous allez tout regarder, les organes, le moteur, les roues, etc., etc. C'est ça. Voilà. Et surtout après aussi les factures d'entretien, distribution, etc. Soyons vigilants, Patrice Fontaine. Toujours. Surtout penser à matérialiser la demande par rapport à une attente sur des travaux qui doivent être réalisés ou des vérifications. Donc lorsque vous rapprochez d'un professionnel tel qu'il soit, réparateur, concessionnaire ou autre, faire établir un ordre de réparation où vous stipulez bien l'objet du dépôt et ce que vous attendez comme prestation. Réclamer bien entendu un devis, descriptif, prévisionnel qui vous renseigne du coût. À partir de là, suivant le montant annoncé, vous donnez ou non votre accord. Vous pouvez jouer aussi la concurrence, c'est tout à fait légal. Bien sûr. Et à partir de là, si vous validez le devis, donc il y a une réparation, et pensez aussi peut-être, dans la majorité des cas, à récupérer l'ensemble des pièces remplacées. Patrice Fontaine, expert d'assuré, Alain Aznar, directeur qualité des centres de contrôle technique, Jeff Waro de la société Automobilière 974. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour répondre aux questions des auditeurs et je vous dis à très bientôt sur la première. Merci à vous. Merci. Sega, viens constater là, où nous mettre la faillade, on va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement l'ambiance, allez viens fais faire la cadence. On va mettre la gamme dans les gosses quand les bons, les bons. Si tu aimes Sega, viens constater là, où nous mettre la faillade, on va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement l'ambiance, allez viens fais faire la cadence. On va mettre la gamme dans les dos quand les bons, les bons. Conspiration, la diaphragme va couler. La fièvre 40 degrés n'a fait monter. La sécurité, tant que la cabine va lever. Assois la fête au village des hommes dans la cage. Tes souliers mettent à terre, bien la grande le savait. Au déguet de ma tante Rita, lui met la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre. Bien encore le savoir, donnez l'homme pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé, j'ai souligné mes tapis. Bien encore le savoir, au déguet de ma tante Rita, il met la pose pour craser, j'ai souligné mes tapis. Bien encore le savoir, donnez l'homme pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Au déguet de ma tante Rita, lui mettre la pose pour craser. Ses souliers mettent à terre. Bien d'accord, le savoir. Donnez l'homme pour bien défouler, mettre encore la passée. Si tu aimes ces gars, viens constater là. Pour nous mettre la faillade, nous va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement ambiance, allez, viens fais mettre la cadence. Nous va mettre la gamme dans les dos quand les bons, les bons. Deuxième Sega, viens constater là. Pour nous mettre la faillade, nous va chanter quand les bons, les bons. Dans un grand mouvement ambiance, allez bien fais mettre la cadence. Nous va mettre la gamme dans les dos quand les bons, les bons. Conspiration, la diaphragme va couler. La fièvre 40 degrés n'a fait monter. La secrète, tant que la caprine va lever. Sois la fête au village des gens dans la cage. Tes souliers mettent à terre, bien d'accord le savait. Au déguet de ma tante Rita, lui met la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre, bien d'accord le savait. Donne l'homme pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Tes souliers mettent à terre, bien d'accord le savait. Au déguet de ma tante Rita, il met la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre. Bien d'accord, le savait. Donne les lampes pour bien défouler. Maintenant qu'on l'a passé, j'ai souligné mes tatouages. Bien d'accord, le savait. Au déguet de ma tante Rita, lui mettre la pose pour craser. J'ai souligné mes tatouages. Bien d'accord, le savait. Donne les lampes pour bien défouler. Maintenant qu'on l'a passé, j'ai souligné. affaires. Tout est guette, ma tante Rita, il mène la pose pour raser. Les souliers mettent à terre, bien d'accord, nos affaires. Donne les lampes pour bien défouler, maintenant qu'on l'a passé. Ces souliers mettent à terre, bien d'accord, nos affaires. Tout est guette, ma tante Rita, il mène la pose pour raser. Ces souliers mettent à terre, bien d'accord, nos affaires. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. Had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. À 12h15 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Il sera aujourd'hui question de la télémédecine pour dépister les diabétiques. Samedi aura lieu le premier dépistage décentralisé dans le siècle de Salazie à Elbourg, pour être précis. C'est une opération axée sur la rétinopathie, donc diabétique, une complication grave du diabète qui peut rendre aveugle. On en parlera de 12h15 à 12h45 sur la Première. Même si tu dois partir, mon pote, attends un peu. Viens, on se pose en terrasse au calme, on boit un thé. J'ai envie de rire, j'ai envie de me fendre la poire. Même si on a des blêmes, en vrai c'est pas la mer à boire. Allez, fais pas l'avare, donne-moi une bonne nouvelle. N'en fais pas l'avare, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Je suis sûr que t'as la photo de ton fils dans ton portefeuille. Et parle-moi de lui jusqu'à ce que tes larmes sortent seules. Dis-moi que t'as réussi, que je te félicite. Puis que tu m'expliques ce que t'as prévu pour la suite. Dis-moi que t'iras droit au but, sans faire de projet. Vas-y, vends-moi du rêve, parle-moi de tes projets. J'ai ressassé trop de mauvaises nouvelles. J'en ai assez dépassé. J'ai besoin d'un peu d'air en terrasse, même en hiver. Sans télé ni radio, en terrasse on se vendra du rêve. On se vendra du rêve. J'ai juste envie d'en. Si on cherche à te joindre, laisse sonner. Tu diras que t'étais en réunion au sommet. Les réseaux sociaux nous ont assommés. À force de regarder celles des autres, nos vies nous passent sous le nez. Laissons ça deux minutes et parlons-nous. Parlons de rien ou parlons de tout. Ouais, parlons de tout sauf d'actualité. Et de tout ce qui pourrait nous rappeler la réalité. Mettons les mauvaises nouvelles sur liste noire. Rien qu'un moment, le temps de refaire l'histoire. On se reverra peut-être pas avant l'année prochaine. Vas-y, vends-moi du rêve, parle-moi tes projets. J'ai ressassé trop de mauvaises nouvelles. J'en ai assez dépassé. J'ai besoin d'un peu d'air en terrasse, même en hiver. Sans télé ni radio, en terrasse on se vendra du rêve. On se vendra du rêve. J'ai juste envie de. Aujourd'hui je n'écouterai pas les infos. Ce n'est pas en soufflant sur les braises qu'on éteint le feu. Je veux pas entendre qu'un certain est notre avenir. Je préfère entendre qu'il peut encore nous appartenir. Si tu vas mal, merci de ne pas me le dire. Donne-moi une bonne nouvelle parce que je vais pas tenir. On se vendra du rêve. On se vendra du rêve. J'ai juste envie d'entendre que tout va. En moins de 30 secondes sur la première, les avis de décès. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balman. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Première. Il est midi moins 10 sur la première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Vaudemont Lucia, décès survenu à Saint-Paul à l'âge de 81 ans. Le convoi sortira au 17 rue Étienne Regnault à l'étang Saint-Paul demain. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Lucas Marie-Angèle Célimène, domiciliée au collège de Canon, donc 40 avenue de la Tour de Tassigny à Sainte-Clotilde. Décès survenu hier à l'âge de 87 ans. La veillée se fait au centre funéraire sud de Saint-Pierre. La bénédiction aura lieu demain à 10h en la chapelle du centre funéraire sud et suivie de l'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès de Madame Zite Marie Elysia, dite Moment Zite, décès de Madame Zite, Marie Elysia, décès survenu à l'âge de 94 ans. Un recueillement se tient à son domicile au 40 avenue Raymond Vergès, appartement 14, bâtiment 3 au port. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Cadet Valère Gérard, Monsieur Cadet Valère Gérard, décès survenu aujourd'hui à l'âge de 81 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Bois-Rouge. La bénédiction se fera au centre funéraire de Bois-Rouge demain mercredi à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. décès de Mademoiselle Beldan Amandine Anne. Mademoiselle Beldan Amandine Anne, décès survenu hier à l'âge de 16 ans. La veillée se fait au centre, au domicile de ses parents, au 9 rue Aimable Denis à Grandbois. Le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Grandbois à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Boyer Henriette. Madame Boyer Henriette, de l'EHPAD de Marie-Françoise Dupuis. Décès survenu hier à l'âge de 96 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 16h à la chapelle du centre funéraire de Prima, suivie de l'inhumation. Décès de Palmont José Joseph Di Diego. Décès de Monsieur Palmont José Joseph Di Diego. Décès survenu à l'âge de 58 ans. La bénédiction aura lieu demain à 14h en l'église de Colimaçon Saint-Leu, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Potin Néfolio Thérésia Louise. Madame Potin Néfolio Thérésia Louise, décès survenu hier à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 172 rue Jean Albani, bloc H à Saint-Pierre, aujourd'hui à 14h. Donc la bénédiction aura lieu en l'église du centre-ville de Saint-Pierre à 15h30, l'inhumation au cimetière de Petite-Île. Décès de Monsieur Banor, Jean Richelin. Monsieur Banor, Jean Richelin. Décès survenu à l'âge de 55 ans. Le convoi sortira de son domicile au 79 rue Percée, Rabine Daniel, à la Céline Léo. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de la Rabine Daniel à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Rabine Daniel. Décès de Madame Grondin Daniel Néfolio. Madame Grondin Daniel Néfolio, décès survenu à l'âge de 64 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 14h30 au 206 rue d'Echerie au Tampon. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église du Tampon, l'église du centre-ville, l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Monsieur Virin Roger dit pilote. Monsieur Roger Virin dit pilote, décès survenu à l'âge de 74 ans, le convoi sortira de son domicile au 79 chemin des Barrières à Trois-Bassins. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Trois-Bassins à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Trois-Bassins. Décès de Paul Leclerc, décès de Monsieur Paul Leclerc, décès survenu hier à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira de son domicile, donc ruelle La Chapelle, au Petit Bazar à Saint-André, aujourd'hui à 15h, donc la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-André à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-André. Le décès de Monsieur Mercereau Jean-François Mathieu. Mercereau Jean-François Mathieu, décès survenu à l'âge de 29 ans. Le convoi sortira de ses parents Chantal Mercereau et Patrick au numéro 7 rue des Camphriers à la Ravine Glissante à Sainte-Rose. Aujourd'hui, à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Rose à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Et le décès de Monsieur l'Allemand Léon Roser. Monsieur l'Allemand Léon Roser, décès survenu à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira de son domicile au 57 chemin René Gontier. L'inhumation se fera au cimetière du Tampon. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Runi Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Le groupement sort 6 réunions, gérant des ouvrages de l'irrigation du littoral ouest, informe les irrigants que suite aux travaux dans les réservoirs de l'antenne 8, les perturbations sont à prévoir dans la distribution en eau. Alors pour le secteur C, arrêt de la distribution pour demain, mercredi 7 à partir de 7h. Pour le secteur D, arrêt de la distribution le jeudi 8 à partir de 7h. Et pour le secteur E, arrêt de la distribution le 9, donc vendredi à partir de 7h. Et puis l'association ADN, donc 97.4 et la Mutualité de la Réunion, vous informe qu'un dépistage du diabète aura lieu demain, mercredi 7 septembre, à la mairie de Sainte-Suzanne, au 3 ruelle Général de Gaulle, à Sainte-Suzanne, de 8h30 à 11h. Et puis pour les collectes de sang prévues pour demain, nous serons le mercredi 7 septembre, ce sera avec l'EFS au Jumbo de Sainte-Marie, de 12h30 à 17h. Allons aller un petit câlin sucré. Aux caresses doux les super endiablés. Un petit causer tous les si bien sacrés. Le mot il reste dans mon pensée. Moi m'y aime ou te regard amoureux pour moi, pour moi. Moi m'y aime ou te sourire pour radieux pour moi, pour moi. Moi m'y aime ou te manière affectueux pour moi, pour moi. Moi m'y aime tout ça, m'y aime. Même si le vrai m'y fait que redouter. Notre relation les dire pour avancer. Protège à moi quand nous les enlacer. Assure à moi, dis que tout va bien se passer. Allons aller un petit câlin sucré. Aux caresses doux les super endiablés. Un petit causer tous les si bien sacrés. Les mots ils restent dans mon pensée. Radieux pour moi, moi m'y aime ou de manière affectueux pour moi, moi m'y aime tout ça, m'y aime. Qu'elle y cause pas, qu'on a l'orage, l'esprit mal mis dans mon rage. Le moment doux d'Emmanuel Ivara sur la première. Bon appétit à tous, c'est le midi. Le journal de Réunion Première présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Claude, bonjour à tous. Aux assises, l'homme qui comparaît depuis hier pour viol et séquestration d'une mineure de 11 ans persiste à plaider son innocence, mais à la barre ce matin, il s'est montré plutôt confus. Compte rendu d'audience en direct de la cour dans un instant. Relaxé la semaine dernière dans l'affaire de tentative d'achat de voix aux dernières municipales, Maurice Gironcel va devoir s'expliquer à nouveau à la barre sur ce dossier, car le procureur de Saint-Denis a fait appel de sa relaxe. Dans ce journal, la réaction de l'avocat du maire de Sainte-Suzanne. Pour que les Réunionnais et les touristes puissent à nouveau se baigner dans la mer hors du lagon en toute sécurité, les bassins artificiels sont une solution. Le préfet a annoncé hier qu'un programme régional de création de bassins et de rénovation de ceux qui existent était en cours. Nous l'entendrons. Et puis à quelques heures du premier match des éliminatoires du Mondial de 2018, c'est du football, eh bien la question se pose à savoir si Dimitri Payet sera dans le 11 de départ de Didier Deschamps. Et c'est le match, c'est dans quelques heures, donc bienvenue sur Réunion Première. Aux assises, verdict attendu ce soir dans l'affaire de viol et séquestration d'une mineure de 11 ans. L'accusé, un homme qui hébergeait la victime, ses frères et sœurs et sa mère au moment des faits, a continué ce matin de répondre aux questions de la cour et il a persisté dans ses dénégations. Il nie les accusations portées contre lui. Nadine Bachelot est en direct de la cour d'assises. Vous suivez ce procès pour Réunion Première et l'accusé s'est montré plutôt confus à la barre ce matin. Questions et très peu de réponses, Antoine. Et pourtant, le témoignage de l'accusé était très attendu. On pensait qu'il allait